Rendez-vous plein, les champions. Rendez-vous plein, les sportifs. Le départ est imminent. Il nous reste quelques nacelles de libre. L'entrée sur la gauche de l'attraction. C'est le dernier jour. L'on en profite, c'est un tarif réduit. Air One Max est une attraction unique en Europe. Profitez-en, il faut l'essayer. Vite, vite en bas. L'entrée sur la gauche du manège. Installez-vous, prenez vos places. Le Big Machine. Ouais, super. Ça va les filles, ça vous a plu? Super bien sans voir. Cool. Allez, c'est à vous d'en profiter les amis, c'est à vous de laisser mesdames et messieurs. On va vous emporter dans quelques instants un tout nouveau tour, un tout nouveau voyage. Allons-y, prenez ma place. Super. On va y aller, on va y aller. On va baisser mes émissions les amis. On va s'éclater. Allez les champions, on y va. Dans quelques instants, ça repart. Vivement, on y va plus fort. On continue. Saint-Gédard Célébration, l'attraction d'exception, unique en Europe. Je ne vous entends plus. Infernal manège. Une toute dernière sensation, une toute dernière accélération. Oulala, les grimaces. Détendez-vous. Voilà, comme ça, le tour se termine. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il me semble avoir aperçu de super grimaces. Allez, le tour se termine. Vous attendez l'arrêt complet du manège. On y va les sportifs, on y va les amis. Vous prenez vos places. Profitez-en, c'est le tout dernier jour parmi vous. Allez, on y va les champions, on y va les sportifs. Vous prenez vos tickets d'avance à la caisse. Le départ est imminent pour de nouvelles sensations. Les avancées, profitez-en. Dernière journée, tarif réduit aujourd'hui.